Bolingo na yo ngolo oyonkamwa soki okamati bomo ya mbwa eke yo obetaka ye nsima kokima yo mpo ete yolingaka ye te yango nalobi nayembi natatoli nkolo yolingi nga ye Yesu yo nde mon berger oh je ne manquerai de rien l'éternel est mon berger oh, oh, oh, oh je ne manquerai de rien l'éternel est mon berger il oh, est oh, mon berger je ne manquerai de rien écoute comment t'imaginer un petit poisson qui vit dans l'océan mais qui pleure nuit et jour il a peur qu'un jour l'océan tarisse mais non oh. Il vit dans le zoo sa demeure c'est dans les eaux mais pourquoi se lamenter tant que l'océan existe petit poisson aura la vie. L'éternel est mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. Il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure nuit et jour il a peur des poules qui entourent la bouteille il oublie qu'il est en sécurité la bouteille qui l'enferme c'est comme toi mon frère, ma soeur tu es Jésus-Christ dans ton camp Tu pleures nuit et jour, tu as peur des sorciers. Tu pleures nuit et jour, tu as peur des maladies. Tu pleures nuit et jour, tu as peur de ta coutume. Oh. Il est ton berger. Souviens-toi de Petelo yo yo yo, de Petelo yo yo yo. Allo bimbi si butu mo bimba, bise akate yo yo yo. Yesu Christu ale ki pembe nina ye, alambi si ebele ebimi ye ye ye. Ela ki si ete, Yesu azali se elo berger. Ata papa siza, akosala pona yoye. Souviens-toi de Branham qui prononça la parole. Bisende babima ki ye. Bisende babima ki ye. Et la ki sete nyonso yo ozangi soki yo lobi. Qui s'appelle oh l'éternel est mon berger l'éternel est mon berger oh, oh, oh, oh. Je ne manquerai de rien avani mi kolebele yo yo yo mwana ya kate yo yo Si jere kale ki nanda kona ye Si mami kole bele mwana ye yo Izake ye wana yo yo Izake ye wana yo yo Ata bambu